9-18, observation, pronom personnel accentué ou disjonctif. Je trouve ça idiot, moi. Moi, je trouve ça idiot. Moi aussi. À moi. Tu trouves ça idiot, toi? Toi, tu trouves ça idiot? Toi aussi. À toi. Il trouve ça idiot, lui. Lui, il trouve ça idiot. Lui aussi. À lui. Elle trouve ça idiot, elle. Elle, elle trouve ça idiot. Elle aussi. À elle. Nous trouvons ça idiot, nous. Nous, nous trouvons ça idiot. Nous aussi. À nous. Vous trouvez ça idiot, vous? Vous. Vous trouvez ça idiot? Vous aussi. À vous. Ils trouvent ça idiot, eux. Eux, ils trouvent ça idiot. Eux aussi. À eux. Elle trouve ça idiot, elle. Elle, elle trouve ça idiot. Elle aussi. À elle. Notez que les pronoms moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle sont utilisés. A. À la fin de la phrase. B. Avant les pronoms sujets. Je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle. Sans verbe. Moi aussi. D. Après une préposition. À moi. Après moi. Avec moi. Sans moi. Pour moi. Dans les cas A et B, ce sont visiblement des pronoms emphatiques. Ils indiquent l'insistance.